Algérien, vous êtes bien sûr sur l'antenne de Galaxy. Il est exactement 10h07, c'est parti After avec une spéciale parade. Voici tout de suite les Daft Punk. my door. And I noticed there were a lot of people standing around in line. Try to push my way up and they telling me, hey, get back, back, back, back, back, back, back. I walk up to the door and there's this thing collecting money. Money, money, money, money. Well, I told him, look, I live here. I asked him where my wife was. He said, oh, she's inside. Come on in, man. Open the door. the underground, baby. I said the underground. Come on, come on. Do it like you've never done before. The underground. Now let me see you work. Naturellement, ça donne envie de bouger. Ibiza Club à l'instant avec le fameux Conga. Merci de votre grande fidélité. C'est un spécial flashback aujourd'hui en ce dimanche 15 juillet. Voici tout de suite Julien Jappe pour poursuivre. Save the Rhythm. C'est parti des plus grands standards à l'instant, Julien Jabre avec le titre Roar, c'était sorti en 2004 sous le label Elias. Il est 10h30, voici tout de suite les informations de proximité présentées par Stéphane Larosso. On se retrouve juste après. Un programme particulièrement festif vous attend cette année au Parc du Lion de Waterloo à l'occasion de la fête nationale. Ce samedi 14 juillet à partir de 14h30 dans la plaine du parc, kermesse des associations, ateliers jeux et manèges pour enfants, porte ouverte à la ferme pédagogique et marionnettes avec le cirque ambulant. 16h sur le podium, Daniela et Émilie de Waterloo, suivi du Bee Gees Revival Show et en clôture à 18h, le concert d'Émile et Images. Info web, ville-waterloo.fr. L'ASNAPIO, le parc archéologique de Villeneuve-d'Ascq, propose des stages tout l'été. Aux origines de l'écriture, archéologie en herbe, découverte de la chasse à l'alimentation, autant de stages et de façon concrète et ludique de découvrir le passé en amenant les enfants à refaire les gestes de nos ancêtres. Modalité d'inscription 03 20 47 21 99. Plage du Monde ce week-end auprès du M d'Armentières. Seule plage de la métropole au bord d'un lac, les amateurs de plage sont invités à un week-end particulièrement animé. Au programme, musique, danse, ateliers et histoires d'Afrique ou d'Amérique. Renseignements, espace naturel Lille Métropole, 03 20 58 08 61. L'exposition ZVE est à découvrir actuellement jusqu'au 22 juillet à la Maison Folie de Oisem. Conçu et réalisé par l'association lilloise Mégafon, le projet ZVE a pour ambition de présenter un état des lieux de la mouvance Designer Toys. Plus d'une trentaine de jouets customisés par des artistes régionaux. Autour de l'expo, des ateliers dédiés aux 18-25 ans sont proposés. Renseignements et inscriptions 03 20 78 97 87. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. The best music at the right moment. Galaxy. Galaxy. Only house. Sur les ondes intergalactiques, voici tout de suite un petit peu de douceur. On retrouve tout de suite un des coups de cœur de cette émission Party After, c'est Morgan Swev. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Galaxy, the French Touch. Kovansoon sur les platinettes à Galaxy. Merci de votre grande fidélité dans ce prochain quart d'heure. Encore des grands standards, entre autres Michif avec le titre Cash, Tony Dibar avec le Wolfing Red Carpet, et voici justement en fait Michif avec le titre Cash. Restez bien calés, on est ensemble jusqu'à midi. C'est Pascal Mancini. Galaxy 3. empire, the empire of house music. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. D'un célèbre morceau des années 80. Merci de votre grande fidélité. Les 11h14, voici tout de suite pour poursuivre Alex Neri avec le House Track. C'est le remix de Steve Angello. Yeah.

C'était sorti en 2005 sous le label Playhouse. C'est à l'instant Lindstrom avec Feel the Space. Juste avant de retrouver les informations de proximité présentées par Stéphane, voici tout de suite Let's Go en souvenir. Et juste après, on retrouvera Stéphane pour les informations de proximité. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Sur Galaxy. L'office de tourisme de Wattrelo vous propose une visite guidée de l'église Saint-Maclou ce dimanche 22 juillet à 16h. Un édifice datant de 1877, selon les plans de l'architecte Charles Maillard, construit grâce à une souscription publique. L'église, aujourd'hui entièrement restaurée, s'ouvre à vous et vous invite à admirer ses vitraux du Lillois Auxerre ou encore le maître-autel en marbre de Carrare. Réservation office de tourisme, 189 rue Carnot, 031 75 85 86. Didier Majewski expose ses œuvres jusqu'au 29 juillet à la chapelle Saint-Prix de Béthune. L'artiste vous invite à découvrir ses peintures à l'huile où s'entremêlent énergie, plaisir et intemporalité. Entrée libre, plus d'infos, 03 21 56 74 23 ou sur majewski.didier.free.fr. Grand concert gratuit, dimanche 25 juillet à Ernie, près de Valenciennes. Sur scène, le duo Marquini, Les Bons Garçons, The Time Machine et en exclusivité, le groupe légendaire et mythique The Animals. Accès libre, infoline, 06 88 90 69 77. L'office de tourisme de Marchienne organise des visites guidées du patrimoine de la ville et notamment de son abbaye de façon ludique. Une demi-heure pour flâner au cœur même de l'ancien monastère, lecteur MP3 aux oreilles, pour ne rien manquer des indications et anecdotes comptées par des comédiens professionnels. Inscription 03 27 90 58 54 ou sur ot-marchienne.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. The best music at the right moment. Galaxy. Jeanne d'Albac à l'instant avec le titre Blink. Merci de votre fidélité. Il est 11h39. Voici tout de suite une grosse découverte Galaxy. C'est Kiko, écoutez bien, c'est du bonheur. We'll be right back. priorité, priorité à la nouveauté. Nouveauté. Thank you. Le meilleur de la musique électronique. Il est déjà bientôt l'heure. Et oui, déjà nous quitter. On va se donner rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine à partir de 10h pour une nouvelle émission. Dans quelques instants, il vient d'arriver dans les studios Tom pour un set 100% house avec quelques grands classiques. Merci une fois de plus d'avoir été fidèle durant ces 2 heures. Voici tout de suite, pour finir justement cette émission, une nouveauté encore électro, c'est Chicken Lips. Écoutez bien, c'est Inno-In et c'est sorti sur le label Azulia. Si vous vous apprêtez à passer à table, excellent après-midi à l'écoute.